désolé. Yeah. Groupuscule débarque. Oh les gars, venez tous par là, venez tous par là. Eh ça va, on arrive au frère. Vas-y, on leur montre un baral. 30 secondes. Allez. Je me casse sur une putain de caisse claire pour éclaircir mes verres et tout foutre à l'envers. Qu'on me dise que c'est d'enfer, qu'avec le mal qu'on fait la paire, qu'on n'est pas toujours en guerre, mais qu'on a toujours besoin d'air. Tout en stoppant les gens qui disent le rap à quoi ça sert. Je m'en fous, c'est dans moi et dans chacun de mes nerfs. Je défends le rap des bords de mer, ensoleiller mes bordées de mer. Sache que Groupuscule Sud n'est pas de ceux qui perdent. On est là pour défendre nos terres, montrer qu'on est terre à terre. Ça c'est dans notre caractère. On n'est pas là pour faire les gangsters. On manque d'air, toujours en colère, mais on est là présent. Faire qu'on nous tolère, on sort tous les les coups en les modères. Toujours près de la misère. Pourquoi c'est un mystère, frère? Écoute ce son qui fout tes baffes dans l'air. Y'a trop de basses dans l'air pour que tu les digères. Mec, t'inquiète, on gère. L'île caresse, toujours sur le même concept. Et conteste, ce système sans complexe. Mon droit de parole j'exerce, même si certains s'avexent. Je continue à utiliser mes textes en guise de durex. Mais pas dans le but d'avoir un duplex. Non plus dans le but d'être plein d'être sweet-sex. Dans ce biz, me considère comme un président. Je l'annonce, je serai jamais l'ex-président. Pour le vice ou l'ex-vice-président. Même si dans ce texte je suis qu'un résident. Je rentre dedans et je nique tous ceux qui me prennent pour un résidu. Être à quand c'est pas voulu. Ce qui nous pousse à l'être, c'est notre putain de vécu. C'est pour ça que je vous recite sans répit. Mais c'est pas une raison pour laquelle je me replie. Ce mot je t'en supplie, jamais il sortira de ma vie. Déclenche l'alarme, baisse des armes, mec. Groupuscule débarque, le rap on condamne, mec. Dans le rap on se laisse pas abattre, on se démarque, on joue pas l'arnaque. Dans nos textes, pas de micmac, nos déclaques, pas de playback, hit mic. Profession de tueur vocal, Ilka, manique. Profession de tueur de rime, Groupuscule Sud. Un groupe de tueurs en ligne impulsif, négatif ou positif. Bref, on mic, pas d'autres alternatives. Faire la puce, espèce, tôt tard. Ou du swing shot au plumard. Tu passes la balance chez les stars. Pour nous, c'est la même pensée à ton égard. C'est même estime dans notre regard. T'es pas là par simple hasard, mec. Le rap devient bizarre, le millirix plein de harnes. Ils veulent nous mettre la tête dans la farine. Ils sont défoncés sous cocaïne. Le rap devient mon héroïne. Un toxin manque de rime. Mon style en plein exil. Le rap devient de plus en plus fragile.